Écosse. Est-ce qu'il va faire une communication? Donc du coup, moi, alors je vais faire une intervention peut-être un peu moins théorique, mais du coup qui porte l'attention justement sur la parole de parents. Justement, donc là, il y avait la question des enfants. Là, moi, je vais parler un petit peu plus des parents. En gros, simplement pour que vous me situiez, je suis docteur en sociologie de l'Université de Strasbourg. J'ai soutenu ma thèse en 2010 sur les socialisations funéraires juvéniles et le vécu intime du deuil. En gros, je me suis intéressé aux rites funéraires chez les jeunes pour la perte d'un ami. Oui, d'accord. Donc voilà, je suis rattaché en tant que chercheur associé à l'Université de Dijon et mon activité professionnelle est formateur en travail social, donc je forme notamment des éducateurs aux jeunes enfants et autres travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, etc. Du coup, j'ai pour cette... on va dire cette intervention là, en fait je vais faire part un petit peu d'une enquête en fait que je suis en train de finaliser avec le CHRU de Lille, où en fait la nouvelle équipe de ressources en soins palliatifs pédiatriques qui a été montée en 2011 en fait a commandité une enquête justement qu'ils ont intitulée Les enfants en fin de vie et les besoins des familles. Et en fait, c'est un petit peu cette enquête-là que je vais restituer, en tout cas les principaux apports de cette enquête-là et de l'analyse des discours, et que je vais essayer de mettre un petit peu en regard avec un éventuel travail de terrain d'observation pour des enfants atteints d'un cancer. Alors, je vous présenterai très brièvement en fait le cadre méthodologique de l'enquête et à quel moment est-ce que moi je suis intervenu dans cette enquête-là. J'insisterai là-dessus parce que ça a des incidences aussi sur comment est-ce que je me suis positionné face à l'équipe. Et là, ça regarde les questions d'observation et de terrain. On abordera plusieurs points. La question de l'annonce, à la fois de la maladie, mais aussi de la phase palliative, quand elle est annoncée plus ou moins clairement. Et de la circulation de la parole sur la mort prochaine, entre les enfants, les parents, les soignants, etc. Le vécu de la maladie, à savoir l'articulation entre l'hôpital et le domicile. Le parcours thérapeutique de l'enfant et ce qu'on a pu identifier comme étant un isolement des familles, en tout cas, puisque aussi ce sont des maladies qui sont assez longues et qui peuvent prendre du temps, et on voit ça assez bien au niveau des familles. La question de l'agonie, donc les derniers instants de vie de l'enfant, et comment est-ce que c'est vécu, ou en tout cas comment est-ce que les parents nous racontent qu'ils ont vécu ces instants-là, avec les premiers gestes rituels de séparation, comme la toilette et l'habillage, et là on verra que c'est considéré comme des rituels de séparation, et en fait les parents nous disent que c'est d'abord, notamment en néonatalité, ce sont plutôt des rites d'accueil déjà. Mais ça, on y reviendra. Et enfin, la question de l'accompagnement post-décès, où là, il y a encore des choses à faire et surtout à observer. Donc voilà, comme vous l'avez compris, je vais essayer de mettre un petit peu différents apports de cette étude-là et essayer de le croiser avec une éventuelle, un éventuel travail d'observation, où est-ce que justement il faudrait aller questionner certains acteurs, observer certains types d'interactions et dans certains lieux particuliers. Et voilà, et je terminerai un petit peu sur la position du chercheur dans ces observations-là, à savoir que j'ai déjà pu mener aussi des travaux d'observation, alors dans des univers un peu différents, mais qui étaient aux pompes funèbres, donc j'ai été aussi moi-même dans des types d'observations où soi-disant on aurait pu ne pas aller ou ne pas m'accorder le droit à observer ces interactions-là, et je pense qu'il y a des choses qui sont possibles et à travailler forcément avec les équipes. Et je terminerai sur en tout cas les interactions que moi j'ai pu avoir avec l'équipe soignante et qui était en fait le plus riche la transmission et de ce que moi j'avais à amener en tant que sociologue et eux ce qu'ils avaient à m'apprendre en tant que praticien et professionnel sur ces questions-là. Alors, un petit cadre méthodologique très rapide. J'ai été mobilisé l'année dernière, en fait, simplement pour de l'analyse de discours d'entretien qui avait déjà été réalisé. Donc la responsable de l'équipe de ressources de soins palliatifs pédiatriques en fait avait échafaudé une grille d'entretien qui a été validée par une socio-anthropologue de Lille, Catherine Legrand-Séby. Donc il y avait eu un travail préalable et la responsable a elle-même effectué les entretiens. Moi j'ai pu la briefer pendant une journée sur la méthode des entretiens semi-directifs, mais ce n'est pas moi qui les ai menés. Et ça a été retranscrit par la secrétaire de l'équipe. Et moi, je suis donc arrivé à la fin, en fait, avec un matériau de 18 entretiens. Donc au début, je me suis dit, 18 entretiens, ça va aller. Et je me suis retrouvé avec près de 1400 pages d'entretiens, puisque la responsable a pu faire des entretiens qui ont pu durer une journée ou des choses comme ça. Donc du coup, j'ai eu un matériau absolument démentiel. Surtout pour le type de commande. Hein. Très clairement, je n'étais pas dans un postdoc ou etc. Enfin voilà, c'est une enquête, je suis financé. Enfin, alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est financé par la Fondation de France. Donc il y avait. J'étais pas dans un cadre universitaire, là c'était plutôt très professionnel. Mais je me suis retrouvé avec ce matériau-là. En termes de méthodologique aussi, les parents qui avaient été interrogés ont été interrogés pour des accompagnements qui ont été effectués en 2009 ou antérieurement. Donc ça, c'était une décision de l'équipe que j'ai pas discutée parce que je les sentais pas à l'aise avec des accompagnements plus récents, donc j'ai laissé, et qui concerne, on va dire, trois spécialités médicales, la cancérologie et hématologie, la neurologie et polyhandicap et les pathologies associées à la période périnatale. Donc il y avait un petit peu trois types d'entretiens et de parents, plutôt de spécialités. Ces entretiens-là ont fait à peu près 4 heures de moyenne pour près de 65 heures d'entretien. Donc ce que je disais tout à l'heure avec les 1400 pages, il y a une première phase préparatoire qui a été effectuée en dehors de la région Nord-Pas-de-Calais, principalement en cancérologie, où des parents, principalement des mères, là, 6 entretiens ont été effectués justement pour valider le guide d'entretien et élaborer vraiment une grille d'entretien qui tienne la route. Et ensuite, le corpus principal était vraiment 4 entretiens en néonatologie, 5 entretiens en cancérologie et 3 entretiens en neurologie avec 10 femmes interrogées et 6 hommes pour une dizaine de décès. Donc ça c'est un petit peu pas le terrain, mais en tout cas ce sur quoi j'ai pu travailler. Alors il y a beaucoup de choses à dire forcément sur ces choses-là. Ce que moi j'ai retenu une des premières choses qui m'a marqué en fait, c'est la question de l'annonce. Où en fait, dans les entretiens, comment ils sont menés, les parents finalement nous disent, en gros, nous l'annonce, ce n'est pas un seul moment, ni une seule personne que cela concerne. À savoir que, d'une certaine manière, il y a toutes les problématiques de comment est-ce que les annonces ont été faites. Donc il y a plusieurs parents qui nous disent l'annonce de la maladie, voire de la phase palliative, ont été faites dans le couloir, entre deux portes, ou alors très bien avec un entretien spécifique et généralement en privilégiant un second, le conjoint, que les deux parents soient là et que l'annonce soit vraiment faite. Mais en fait, ce qui se dégage des entretiens, en fait, c'est que les parents nous disent constamment, en fait, je n'y ai jamais cru, je n'ai jamais pu réaliser que mon enfant allait mourir. Donc ils étaient toujours, et même plusieurs années après, dans le discours en disant, quoi que me disent les soignants, je suis toujours dans l'espoir de guérison, ou en tout cas dans l'espoir d'un surcroît de vie. Donc même quand je sais que à la toute fin, on verra jusqu'à l'agonie, je sais que ça va arriver, pour autant, je suis toujours mêlé avec ce paradoxe-là de j'espère quand même un surcroît de survie ou une guérison totale. Et que ça, c'est un paradoxe vraiment qui structure tous les accompagnements et comment est-ce que les parents vont vivre l'accompagnement. Et particulièrement sur le moment de l'annonce, puisque, en fait, que ce soit l'annonce de la maladie ou de la phase palliative, les parents nous disent bien qu'en fait, ils ont, à chaque fois, cette annonce-là se réactualisait avec les interactions avec les soignants, en fait. À chaque fois, les soignants devaient redire autrement la même chose, et qu'en fait, les parents sollicitaient absolument toutes les personnes possibles et imaginables dans le service pour réaliser finalement, entre guillemets, le fait que leur enfant était en phase palliative pour la question de la phase palliative. Donc ça, pour moi, ça posait beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on envisage en tant que soignant la question de l'annonce, puisqu'en fait, les parents ne réalisent jamais totalement ce qui se passe, en fait. Et que du coup, il n'y a pas que le médecin. Alors, il n'y a que le médecin qui dit officiellement cette chose-là, mais ensuite, la question de l'annonce va être discutée entre les parents, les enfants, les autres soignants, les infirmières, etc., qui vont aussi avoir à charge d'assumer cette annonce-là à chaque fois qu'elles sont généralement en interaction avec la famille et avec l'enfant. Donc ça, c'était une première chose de... En gros, dans l'observation, il faudrait essayer de prendre en compte cette question d'annonce du premier temps de rencontre avec les parents jusqu'à la fin de l'accompagnement, c'est-à-dire le post-décès. Donc ça peut être même jusqu'à plusieurs mois après le décès. Ce que je disais, c'est que la parole sur cette question-là est inévitablement, volatile, et qu'il y a des choses, il y a des temps et des moments où le... Alors là, je me réfère un petit peu à un article qui m'avait plu d'Irène Théris, justement, sur le triangle des proches avec les agonisants, et que sur la question du sida, justement, elle montrait très bien que, effectivement, non, c'est la question de la parole sur la mort ou sur la mort prochaine n'était pas forcément un échange entre les personnes les plus proches, en fait. Et que là, on voit aussi très bien, partiellement, parce qu'on n'a pas beaucoup de matériaux là-dessus dans les entretiens, mais quand même, certains parents nous disent... J'étais incapable de discuter de ça avec mon enfant. Par contre, je sais qu'il en a discuté avec sa sœur, je sais qu'il en a discuté avec tel soignant, etc., etc. Et que là, vraiment, les parents dans ces positions-là sont complètement aidants, mais pas du tout confidents sur une parole vis-à-vis du décès de leur enfant. Et on le comprend bien, mais ça structure quand même les relations et ça montre bien un petit peu les enjeux qu'il y a à avoir une parole sur la mort, et là particulièrement celle de l'enfant. Et enfin, toujours en suivant l'article d'Irène Théry, il y a la question de, puisque cette fin de vie est inenvisageable pour les parents, en plus il y a le contenu de la maladie, en fait. Qu'est-ce que représente la maladie pour les parents? En gros, vous pouvez dire elle a un cancer, les parents vont le réceptionner complètement différemment en fonction de comment est-ce qu'il se représente la maladie du cancer ou tel type de pathologie. Et que ça, ce serait aussi à interroger et à questionner dans une observation. Donc ça, c'est la question, un des apports de l'étude, c'est sur la question de l'annonce. Un autre point, c'est, alors je l'ai nommé comme ça, le vécu de la maladie, mais c'est parce que l'enquête voulait aussi avoir beaucoup d'infos sur l'articulation entre l'hôpital et le domicile, forcément. Et en tout cas, selon les parents et leur discours, la question de faire des allers-retours entre, que ça soit à une demi-heure ou à une heure et demie, voire à deux heures de trajet, c'est pas du tout vécu comme une contrainte absolument épuisante ou fatigante, puisque leur enfant va guérir. Donc il n'y a même pas de question à se poser. Je fais, donc j'y vais. Après, il y a des problématiques financières, etc., qui sont lourdes, mais dans leur discours, en tout cas, ce n'est pas vécu comme quelque chose de très contraignant, voire même ceux qui sont les plus loin, en fait, nous disent bah, « Non, c'est une heure de bagnole, on le met dans la voiture. » Enfin, en tout cas, dans les discours, ce qu'on a recueilli, c'est pas tout à fait un problème. Ce qui est plus compliqué pour les familles, et ça se comprend bien, et là ça revient sur ce que tu disais entre l'intérieur et l'extérieur, où effectivement c'est la question du domicile, où là les parents nous renvoient l'incapacité, ou en tout cas la pour les parents, l'insuffisance de la prise en compte du fait que les soignants rentrent dans l'intimité de la famille. Ça c'est clair. Il y en a partout dans tous les entretiens. Enfin, c'est vraiment les soignants rentrent dans l'intimité des parents qui se sentent observés et jugés. forcément, sur comment est-ce qu'ils font ci, comment est-ce qu'ils font ça, comment est-ce qu'ils lavent, est-ce que ci, est-ce que ça. Et comme il y a une temporalité aussi complètement différente dans la maison, les soignants viennent interférer là-dedans de manière plus ou moins, on va dire, enfin, c'est inévitable qu'ils rentrent dans cette intimité-là. Après, effectivement, selon les parents, il y a eu beaucoup de maladresses dans les accompagnements qu'ont pu être menés à domicile, à savoir qu'antérieurement à 2009, il y avait quand même peu d'HAD, donc d'hospitalisation à domicile, en Nord-Pas-de-Calais. Dans ce point sur le vécu de la maladie, je vous ai parlé un petit peu de la question de l'itinéraire thérapeutique qui a été insuffisamment questionnée dans les entretiens, mais que j'ai relevé comme étant une donnée assez importante, puisqu'en fait, plusieurs parents, après le décès, ont pu consulter des médiums et des praticiens plus ou moins, on va dire, non conventionnels ou un peu ésotériques, et que fort à parier que, clairement, dans le parcours thérapeutique de l'enfant, les parents vont aller voir aussi dans d'autres sphères que celles du médical, et que ça, ce serait des choses clairement à interroger. Et là, le dernier point pour ce vécu de la maladie, c'est très clairement le processus d'isolement des familles, principalement puisque quand un enfant est alors déjà très malade et après éventuellement encore plus en phase palliative, un des deux parents, dans tous les entretiens, il y a un des deux parents qui s'arrête, qui va consacrer tout son temps à l'enfant, et l'autre conjoint qui va assurer une activité professionnelle aussi pour assurer des questions budgétaires. Mais que progressivement, on voit bien que les familles en fait se recroquevillent très clairement sur la sphère familiale des proches, ce qui se comprend assez bien, comme pour, anthropologiquement parlant, pour moi je l'ai interprété comme ça, mais comme pour faire face à cette menace de mort et on se recroqueville et en même temps on donne toute notre énergie pour l'enfant. Donc effectivement, pendant un temps, les premiers mois, on fait moins attention à notre vie sociale ou nos réseaux X ou Y, et que du coup, il y a vraiment ce processus qui est assez clair et qui peut faire un peu éclater les couples, mais une des hypothèses que j'avais, c'est qu'on aurait plus de couples qui auraient éclaté. Et en fait, tous les entretiens qu'on a eus, en fait, c'est des couples qu'on su, en tout cas, se maintenir ensemble, même après le décès de leur enfant. Alors, un autre point très important qui a pu être relevé dans les entretiens, c'est la question de l'agonie. Et alors du coup là, c'était un objet de discussion assez important avec l'équipe soignante, à savoir que je maintenais que de par le discours des parents, en tout cas, aucun des acteurs impliqués dans ces instants-là, ne savait exactement comment est-ce que ça allait se passer, et que vraiment ils partageaient un inconnu, quelle que soit leur position, à savoir celui de « Ok, je suis soignant et je sais ce qui va se passer, par contre sur le comment ça va se passer, je suis vraiment très prudent parce que j'ai 36 000 expériences de « j'ai pensé que ça se passerait comme ça et ça s'est passé autrement ». Donc les soignants sont clairement assez prudents sur l'exact déroulement de l'agonie, et en même temps les parents sont plus ou moins dans une ignorance de comment ça va se passer, mais chacun en fait partage cet inconnu-là de comment exactement ça va se passer. Et que ça, j'ai trouvé assez important de mettre ensemble en fait les soignants et les familles, en disant mais vous partez, enfin quel que soit le point de vue, vous partagez vraiment quelque chose de commun qui est cet inconnu-là et qui vous fait réagir et avoir des comportements particuliers. Et que les parents, bien sûr, ont pu nous citer des maladresses de soignants sur des derniers instants où effectivement on se dit c'est complètement aberrant que cette famille-là ait retenu cette parole-là du soignant. Et en même temps, on voit bien les défenses des soignants et des maladresses qui peuvent être... qu'on comprend bien que là, il n'était pas question de juger dans ces instants-là. Je me suis concentré sur la question aussi des bébés qui ne survivent pas, À savoir que, selon un article de Magali Molinier, donc, qui est une psychologue parisienne, en fait, elle a pu analyser justement ce qu'on considère comme justement l'habillage et la toilette, où généralement, par les équipes et par les psychologues et sociologues, etc., c'est considéré comme faisant partie d'un rite et celui du rite de la séparation. Et qu'on voit là particulièrement pour ces mères, en fait, et les pères, mais qu'avant d'être un rite de séparation, c'est d'abord la question, c'est pas la séparation, c'est l'accueil de l'enfant dans la communauté des vivants. Et qu'en fait, on observe très clairement que les mères vont d'abord s'attacher à reconnaître leur enfant comme appartenant à la communauté à la communauté humaine. Est-ce qu'il a des pieds? Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce que si? Est-ce que ça? Avant justement de penser à quelque chose de l'ordre de la séparation. Et que ça, il y a un petit hiatus entre les soignants et les parents, où les soignants vont être directement dans quelque chose de l'ordre de « on va faire ça pour justement pour initier le travail de deuil », alors que la mère, surtout, est absolument pas dans cette temporalité-là, en fait. Donc là, il y a quelque chose à travailler avec les équipes et éventuellement à aller observer dans la mesure du possible avec les équipes. Enfin, un dernier point sur l'accompagnement post-décès. Alors là, c'est flagrant, donc moi je suis un peu sensible à ces choses-là, mais aucun soignant, selon les parents, n'a accompagné l'enfant à la chambre mortuaire. Donc aucune passation s'est faite. Donc du coup, comme si l'accompagnement s'arrêtait au décès, en fait, très clairement, ou juste après la toilette et l'habillage. Donc il y a la question de comment sont intégrés ces professionnels-là à l'accompagnement et éventuellement, là je lisais un article d'Emmanuel Hirsch qui considère ce personnel-là comme des soignants à part entière et qui, c'est intéressant de le considérer comme ça. Et après, même plus largement, on pourrait penser la question des liens avec les pompes funèbres où effectivement quand même les pompes funèbres à la chambre mortuaire viennent rechercher les corps. Et voilà, donc dans la continuité d'un accompagnement et de l'observation d'un accompagnement, pour moi, il serait assez évident que on puisse avoir vraiment des observations longitudinales de ces parcours-là, du premier de la première annonce de la maladie jusqu'à ces temps-là. La question de la présence des soignants aux enterrements ou pas, ou des choses comme ça aussi, ont pu être discutées diversement, ressenties par les parents. Alors il y a autant du « j'ai bien aimé qu'il soit là », autant ça m'a pas vexé qu'il ne le soit pas. Par contre, des signes de l'équipe sur plusieurs semaines après ou plusieurs mois après pour être disponible sur un accompagnement, sur un questionnement X ou Y, ça les parents ont pu le relever comme étant quelque chose dont ils avaient besoin et qu'ils considéraient comme étant comme faisant partie en fait de l'accompagnement. En termes de timing, j'en suis. Ça va ? Alors, il y a deux choses sur lesquelles je souhaitais. Deux, trois choses sur lesquelles j'aimerais. Sur lesquelles il y a des choses intéressantes qui se sont passées en lien avec l'équipe, où effectivement, à travers tous ces points-là que j'ai pu rapidement évoquer, il y avait une chose très parlante dans les entretiens, à travers les questions que les soignants avaient élaborées. Donc ça, c'était hyper intéressant pour moi en tant que sociologue d'avoir leur point de vue sur qu'est-ce qu'ils pensaient devoir être les questions à poser aux parents. Il y avait clairement des questions sur en gros, les soignants étaient dans une position et dans une posture vis-à-vis des familles d'atténuer la souffrance des parents. Et à chaque fois qu'il y avait des questions de cet ordre-là, les parents leur disaient vous n'avez aucune action sur cette chose-là, vous n'avez pas à atténuer ma souffrance. Alors que les soignants sont beaucoup dans cette démarche-là. Et les parents, à chaque fois, disaient mais donnez-nous de la place pour exprimer cette souffrance, l'accueillir, la recueillir, en parler, etc. Et que généralement, c'était au niveau technique, au niveau professionnalisme, etc., les parents étaient très souvent très contents de l'accompagnement, voire assez élogieux. Mais par contre, ils disaient, nous, ce qui nous a importé, c'est l'équipe et comment est-ce qu'elle a recueilli et accueilli notre souffrance. en fait. Et que ça, on voit très bien que ça peut déstabiliser des équipes sur, ben voilà, autant sur le temps de l'annonce, sur la circulation de la parole. Tout ce que j'ai dit là, c'est vraiment des vraies questions pour les familles, selon les entretiens, de comment est-ce que finalement, alors je l'ai appelé comme ça, mais les soignants parviennent à accueillir cette violence-là, en fait. Et en tout cas, à l'accompagner vraiment et à la prendre en compte, à lui donner des espaces et à essayer de l'accompagner vraiment de A à Z, ce qui est bien sûr très compliqué. On est toujours dans des choses très, très ambivalentes. Néanmoins, c'est ce qu'on pouvait retenir des discours. Et un autre point qui a pu, là plus les... on va dire qui avait fait l'objet vraiment de grands débats, c'est que dans leur questionnement, il y avait des questions alors qui trahissaient un petit peu leur démarche, mais de est-ce que vous avez été satisfait de l'accompagnement qui vous a été proposé ? Et là, les parents, forcément, ils disent « Satisfait, ben, mon enfant est mort, donc la question n'a... » Enfin, donc forcément, les parents répondaient à côté. Est-ce que vous avez eu, est-ce qu'on a satisfait en tant qu'équipe tous vos besoins ? Là, je vous dis des choses textos qui ont été formulées par les soignants. Ou alors, après, avec la question de la démarche palliative, les soins palliatifs, c'est une démarche de projet. Donc, les soignants, forcément, parlent aux parents avec une dimension de projet de vie. Quel est le projet de vie pour votre enfant qui va mourir ? Donc les parents généralement adoptent assez bien ça et y vont parce que pour eux bah, c'est de la vie et ça leur empêche de penser au reste. Mais quand vous les interrogez, en fait les parents vous disent « Oui, bon, cette histoire de projet est très bien, mais moi quand même, mon projet à côté, c'était qu'ils vivent. Et je faisais tout pour chercher toutes les solutions possibles et imaginables de guérison. » Donc du coup, en fait, on voit bien qu'il y a en tout cas une définition différente de ce que c'est le projet et le projet de vie en particulier. Et après, forcément, des questions comme est-ce que vous avez eu l'impression, dans l'accompagnement qui vous a été proposé, d'avoir le choix ? Et ça, pour un parent, c'est une question complètement... Pour un soignant, on comprend très bien qu'il la pose. Et en même temps, pour un parent, c'est... Enfin, ça n'a pas de sens, vraiment. Alors là, je tire un peu le trait. Mais vraiment, il y avait vraiment plusieurs questions dans la grille d'entretien et dans le feu de l'action de la passation de l'entretien. Des choses très clairement de choix, satisfaction, besoin, projet. Et où je suis allé leur dire en disant, mais... Vous mettez vos soignés, vous les mettez dans un registre d'interaction avec vous qui est un registre de prestation de service. Donc, si vous voulez continuer en gros à être dans une relation de prestation de service avec un accompagnement d'enfants en fin de vie, allez-y. Parce que du coup, les parents, à force que vous allez les interroger sous couvert d'évaluation avec ce registre-là, les parents vont commencer à vous solliciter sur ce registre-là en disant « on n'a pas été satisfait ». Enfin, et là, en gros, le serpent se mord la queue et que chacun n'est pas dans le bon registre alors que les soignants et les soignés sont absolument pas... c'est pas du tout le cœur ni de leur comportement, ni de leur action envers les familles ou envers les soignants, en fait. Et du coup, de pointer ça aussi aux soignants en leur disant « mais en gros, si vous continuez là-dedans, il y a quelque chose qui va pas aller, et les familles, à chaque fois que vous les sollicitez sur ce registre-là, vous répondent à côté. » Donc ce qui était aussi hyper intéressant, c'est que les familles dévient, en fait, ne veulent pas parler de ça, parce que ça n'a pas de sens. 5 minutes, bah, ça me permettra de conclure sur la question de ma position en tant que... chercheur, expert, quelque chose de pas très clair, mais qui m'a beaucoup plu. À savoir que je suis arrivé vraiment en phase, on va dire, à la fin, et sur l'analyse et sur la rédaction du rapport. Et que je me suis bien rendu compte, c'est une équipe qui vient de se monter depuis 1 an et demi, 2 ans. La chef de service est orthophoniste, donc n'est pas du milieu médical, donc elle a des enjeux au sein de l'hôpital pour diffuser la démarche palliative qui n'est pas forcément simple à diffuser au sein de la CHRU, avec deux médecins qui sont en cumulé à 30 et 40%, l'équivalent temps plein, et sinon deux infirmières et une secrétaire. Et que du coup, j'ai bien ressenti qu'en fait, ils ne savaient pas quels étaient les apports d'une démarche qualitative tel qu'il l'avait fait financer par la Fondation de France, en gros. Et que du coup, il fallait, moi, en tant que chercheur, qu'en même temps, je sois très pédagogique sur qu'est-ce que moi, je peux vous apporter avec une analyse de discours et toutes les limites que ça a. Hein. Parce que sur la liste de ce qu'ils pensaient avoir trouvé sur les besoins techniques, je suis absolument pas allé sur ce terrain-là parce qu'il n'y avait rien à dire sur 15 entretiens, à part des choses de le soignant a pas fait ci, le soignant a pas fait... C'était pas intéressant à exploiter, en fait. Donc du coup, il y avait des choses comme ça où il a fallu travailler avec elles pour leur dire ça je peux, ça je peux pas, et la démarche de recherche, elle est celle-ci, elle apporte telle chose, etc. Donc il y avait vraiment ce dialogue-là et de vraiment aussi de transmission de qu'est-ce qu'une démarche de recherche peut apporter à une équipe de ressources en soins palliatifs et qu'est-ce qu'elle ne peut pas apporter. Et la deuxième chose, c'était la question de la réflexivité, où constamment, alors je les ai vus, et ça c'était aussi très bien, on a pu, hors le financement de la Fondation de France, pu se voir à 3 ou 4 reprises sur des journées entières avec toute l'équipe. Donc où je présentais un peu l'avancement de mes résultats, où j'ai pu aussi apprendre des choses plus techniques, aussi des apports sur les accompagnements, etc. Donc avoir des informations aussi que j'avais pas par les seuls entretiens. Et en fait, ils m'ont... je suis vraiment beaucoup venu les interpeller sur leur capacité à réfléchir sur leur propre rapport à la mort. Parce que finalement... je leur disais, on est dans des situations, vous êtes dans des situations où, comme les parents, vous êtes dans une gestion, ou en tout cas dans un vécu d'un truc qui est innommable, irreprésentable, qui est en gros ambivalent et paradoxal par essence. Donc comment est-ce que vous aussi, dans votre pratique, vous prenez ça en compte et comment est-ce que vous le réfléchissez et comment est-ce que ça peut être réfléchi aussi en équipe? Et ça, c'est autant c'était admis. Et en même temps, on voyait bien sur certains thèmes que c'était compliqué d'avoir, en plus, un jeune sociologue qui vient dire comment ça se passe. Forcément, il faut mettre aussi un petit peu et dialoguer sur la question de la réflexivité de ces professionnels-là. Et que ça, c'est quelque chose que, dans cette recherche-là, s'est formalisé un peu de cette manière-là, mais a pu être, en tout cas, à mon sens, très riche. Je pense que, plus que l'étude qui fait à peu près 60 pages, je pense que resteront, en tout cas, autant pour moi que pour eux, la question de nos échanges sur 3-4 jours, et que ça, dans un travail d'observation, pour y revenir, c'est aussi des choses à prévoir et vraiment à planifier avec l'EPI et à exiger dans un plan de financement d'un projet, mais vraiment. Et que là, je suis en train de finaliser, et en avril ou en mai, il y aura une restitution auprès des professionnels et des familles. Donc du coup, on proposera aussi aux familles, viendront pas, ça on verra, mais justement de restituer un petit peu l'analyse qui a été faite. Et après, forcément, cette étude sera utilisée comme un support pour la formation dans des diplômes universitaires ou dans des formations en interne au sein du CHRU. Voilà. Vraiment, merci.